Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 13. Toujours avec le professeur Fon et Antoine, salut à vous deux. Salut Mathieu, salut Antoine. Salut tout le monde, ça va bien? Tout va bien. Aujourd'hui, on va commencer, je voulais juste revenir très rapidement sur le... On avait lancé un sondage la semaine passée parce qu'on nous avait proposé un certain nombre de sujets à traiter, donc on avait lancé un sondage... pour voir lequel intéressait le plus nos auditeurs. Donc, pour l'instant, c'est les constantes fondamentales de l'univers qui font la course en tête. Ça t'étonne. Ouais, non. Alors, non, très largement, en plus. Non, alors là, les gens ont l'air très motivés pour ce sujet. Alors, on va encore laisser, on a pensé qu'on va peut-être encore le laisser une semaine pour donner du temps à d'autres utilisateurs de voter s'ils ne l'ont pas encore fait. Et puis surtout pour en gagner dans la rédaction du sujet. Pour avoir une masse aussi un peu plus critique de votants. Donc voilà, on va encore, vous pouvez encore voter cette semaine, la semaine prochaine, et on fera le point lors de la prochaine émission. Aujourd'hui, on va parler de différentes choses. Moi, je voulais juste commencer à faire une petite note sur la sonde Hayabusa. En fait, il y a Xavier Agnès qui nous a demandé il y a quelque temps si on pouvait en parler, parce qu'en fait, il y a eu des nouvelles toutes fraîches au sujet de cette sonde. Alors, juste pour remettre un peu dans le contexte, cette sonde Hayabusa, en fait, c'est une sonde qui a été envoyée par l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale. Elle était lancée le 9 mai 2003. Et bon, elle avait pour objectif, en fait, de ramener des échantillons d'un astéroïde qui s'appelle Itokawa. Et en fait, l'aventure de cette sonde a été remplie de rebondissements parce que, en fait, elle devait atterrir sur cet astéroïde. Et lors de la première manœuvre, une série de commandes erronées ont fait que le système d'atterrissage s'est lancé au mauvais moment. Donc, il y a eu un problème lors de l'atterrissage. Après, on a fait un deuxième essai. Là, c'est le centre de contrôle de la mission qui a perdu le contact avec la sonde. c'est pas terminé. Hein. Une fois récupéré le contact, on a essayé de la ramener sur Terre, mais là, il y a eu des problèmes de fuite de combustible et des problèmes avec les propulseurs. Bon, résultat des courses, la mission a duré 3 ans de plus que prévu et elle est restée 7 ans dans l'espace, la sonde. Mais le 13 juin dernier, elle est quand même, la sonde est rentrée sur Terre, elle est arrivée en Australie. Et en fait, l'entrée de cette sonde dans l'atmosphère et sa désintégration, elle a été filmée par 3 étudiants. Et ils ont mis la vidéo sur YouTube, donc on la mettra aussi sur le site. C'est marrant de voir ça parce qu'on voit une lumière très lumineuse qui se bouge dans l'atmosphère et qui tout d'un coup disparaît. Et donc c'est vraiment une vidéo complètement amateur que la NASA a repris, je crois d'ailleurs. Et en fait, donc cette sonde a atterri en Australie et on a pu récupérer 1500 grains de la grosseur d'un cheveu à partir de la capsule. Et ce qui se passait, c'est qu'on n'était pas sûr si les particules qu'on avait récupérées étaient des restes de l'astéroïde en question, de la poussière cosmique ou tout simplement de la contamination terrestre. Et en fait, il y a quelques jours, les équipes qui ont analysé ces grains ont confirmé qu'on a bel et bien trouvé que la majeure partie de ces grains proviennent de l'astéroïde Itokawa. Donc, bonne nouvelle, parce qu'après un tel périple, on a quand même récupéré quelques poussières toutes fines de cet astéroïde qu'on va pouvoir analyser. Tout ça pour quelques grammes de poussière. Ouais, donc, mais bon, comme quoi, il ne faut pas perdre espoir. Donc voilà, petite news sur le sujet de cette sonde qui a vécu une belle aventure, en tout cas. Une belle aventure spatiale. Ouais, chouette, effectivement. 7 ans de malheur. Pauvre sonde Hayabusa. Et je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'une sonde ramène des grains ou de la matière d'un astéroïde. Je crois que ça s'était jamais fait avant. C'est pour ça que c'était tellement important que cette sonde puisse ramener des échantillons de cet astéroïde. Mm-hmm. Bon, on espère que ça nous apprendra quelque chose. Bah pour la prochaine, ouais, je pense qu'ils vont tirer un certain nombre de leçons. Ah oui, ouais, je pensais pas forcément à tous les couacs, mais à la matière. À la matière, ouais. Ouais, ça doit être fascinant quand même. Bon, on verra, ouais. On verra si on en reparle d'ici quelques semaines ou quelques mois. Ben, on vous maintiendra au courant sur ce qu'on a découvert dans cette poudre matérielle de cet astéroïde. Ouais, ben c'est bien cool. Excellent. Alors pour continuer, on va commencer par ton dossier, Alan, je crois aujourd'hui, qui est un nom à dormir debout, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc le sujet de ton dossier, c'est la triskaïdécaphobie, c'est ça? Ouais, Faut bien. le faire. Ah, du premier coup, totalement du premier coup, quoi. Bah ouais, tu vois, moi je trouvais que pour ce 13e numéro de podcast Science, un petit clin d'œil triskaïdécaphobique s'imposait. Ça doit compter au moins quadruple au Scrabble, un mot pareil. Je ne pensais pas que j'arriverais à le placer un jour, je suis très content. Donc la triskaïdécaphobie, je ne suis même pas sûr de la prononciation, c'est la peur phobique du chiffre 13. Alors ça peut faire sourire, mais en fait c'est une peur assez répandue. Une petite allusion à l'épisode numéro 13 de Podcast Science, c'est pour ça que Bah oui, bien sûr, le bien sûr. Ah ouais, l'idée du sujet m'est venue tout à fait naturellement. Alors qu'on a quoi, 10 sujets à traiter qui nous ont été demandés par les sujet. auditeurs et qu'on fait traîner dans le sondage. Voilà, moi je vais vous parler du chiffre 13. Donc ouais, en effet, la plupart des bâtiments nord-américains n'ont pas de 13e étage, ils passent directement du 12e au 14e, ou alors ils utilisent des subtilités comme le 12A ou le 12B à la place du 13. Et puis bah, je viens d'apprendre en parlant avec Antoine que les hôtels français non plus, en fait, n'ont pas de 13e étage, ce que j'ignorais. La plupart des services hospitaliers ne possèdent pas de lit numéro 13, en réaction aux protestations de certains patients qui ne veulent surtout pas atterrir dans ces lits. Donc là aussi, on passe du numéro 12 au numéro 14. Certains grands hôtels passent directement de la chambre numéro 12 à la chambre numéro 14 pour ne pas avoir l'indélicatesse d'y mettre un client qui pourrait être superstitieux. Puis vous allez voir qu'il y a de bonnes chances qu'il le soit. Au niveau de certaines compagnies aériennes, dont Air France, paraît-il, selon Wikipédia, je n'ai pas vérifié moi-même, mais le chiffre 13 n'est pas utilisé pour la numérotation des sièges en cabine. Et puis de nombreuses compétitions, comme par exemple la Formule 1, n'attribuent le numéro 13 à aucun concurrent. Alors on peut se demander d'où ça vient. Bah, c'est difficile à dire parce que ce genre de superstitions sont essentiellement véhiculées par la tradition orale. Et du coup, leur origine, n'a pas vraiment laissé de traces. Mais dans le cas du 13, on a plusieurs hypothèses. On a déjà dans la tradition judéo-chrétienne, évidemment, la peur associée au dernier repas, durant lequel le disciple Judas, le 13e à table, a trahi son ami Jésus. Chez les Vikings, on avait le dieu Loki, qui était un misérable assassin. Bah, il se trouvait être le 13e dieu du Panthéon. Chez les Perses antiques, on croyait que les 12 constellations du zodiaque contrôlaient les mois de l'année, et chaque constellation régissait la Terre pendant 1000 ans. Alors évidemment, au 13e millénaire, la Terre s'enfoncerait dans le chaos, d'où l'association 13 égale chaos. C'est la raison pour laquelle les Perses, d'ailleurs, quittaient, si notre ami Wiki dit vrai, je ne sais pas aller jusqu'à vérifier ça, leur maison, le 13e jour du calendrier perse, pour éviter les malheurs. Je ne sais pas où ils se réfugiaient, mais ils revenaient le lendemain. Et plus globalement, bah, de nombreuses cultures considèrent le 12 comme un nombre complet. Et plein de choses viennent en 12 packs. On a les 12 dieux de l'Olympe, les 12 signes du zodiaque, les 12 heures du cadran, les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël. Le 13, dans ce contexte, sonne un peu comme une transgression, comme un truc en trop. Bon, puis accessoirement, c'est vrai que le 12 est super pratique. On peut le diviser par 2, par 3, par 4, par 6. Essayez voir d'acheter une demi-treizaine d'œufs. Vous verrez que ça porte pas chance. Et Donc voilà. il y a aussi le Oui. numéro 7 qui est important, non? Souvent on utilise aussi beaucoup. C'est un peu aussi un numéro magique, le 7, je crois. Mais bon, ce sera peut-être l'occasion d'en parler une autre fois, mais je dis juste ça en passant. Ouais, le 13e épisode de Podcast Science est passé, le 7e épisode est passé. D'ailleurs, c'était un épisode maudit, on avait eu plein de soucis pour l'enregistrement, plein de problèmes techniques. Donc non, on ne reviendra pas sur le chiffre 7 aujourd'hui. Pour en revenir au 13, bah voilà pour la perspective historique, c'est plutôt marrant même si c'est pas très bien documenté. Mais bon, nous, on est un podcast scientifique, n'est-ce pas les amis? Alors, je me suis posé la question des perspectives scientifiques sur la question, et puis bah, j'ai vu comme ça d'emblée deux angles intéressants. Pas sur le chiffre 13 en particulier, évidemment, mais sur les superstitions en général. Donc la perspective évolutive d'abord, qui tente d'expliquer quels sont les avantages pour l'espèce d'avoir ces croyances bizarres, et puis la perspective psychocognitive, qui tente d'expliquer les mécanismes du développement de ces croyances, dans le développement de la pensée chez le jeune humain. Alors, on va commencer par le rôle des superstitions dans l'évolution. Mon hypothèse au départ, avant de commencer à préparer le dossier, c'était que le cerveau humain, qui est un outil formidable à permettre, entre autres, de se projeter dans l'avenir, hein, d'imaginer des lendemains meilleurs, mais aussi des lendemains moins bons, surtout pendant les périodes de famine qu'on a connues pendant la majeure partie de notre histoire, hein, si on parle sur l'échelle de l'évolution, bien, donc notre cerveau, enfin nous aurions besoin d'être rassurés, de s'accrocher à des explications, certes simplistes, mais rassurantes, pour le coup, qui permettent d'expliquer le monde de manière compréhensible et de trouver du sens. On est toujours en train de chercher du sens à tout. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé d'études qui valident cette hypothèse. Alors, il faudra peut-être que je me lance dans une petite recherche moi-même une fois. Je n'ai pas cherché les erreurs non plus. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, c'est un papier de 2008 du New Scientist qui indique que les superstitions, soit la tendance qui consiste à lier arbitrairement une cause à un effet, seraient occasionnellement bénéfiques, selon le biologiste évolutionnaire Kevin Foster de l'université Harvard. Par exemple, indique Kevin Foster, lorsqu'un homme préhistorique associait le bruissement de l'herbe avec l'arrivée d'un prédateur, bah il se cachait, logique. La plupart du temps, c'était simplement le vent qui était à l'origine du mouvement, mais dans les rares cas où c'était un groupe de lions qui en était la cause, bah il y avait clairement un avantage à ne pas se trouver là, à ne pas se trouver dans les parages. Et avec sa collègue Anna Coco de l'université d'Helsinki, Foster a cherché à déterminer dans quelles circonstances exactement ces connexions erronées entre les causes et les effets peuvent constituer un avantage. Donc, les chercheurs n'ont pas cherché à expliquer toutes les superstitions de la patte de lapin porte-bonheur à la numérologie maya, mais ils ont travaillé avec un langage mathématique et des superstitions simples impliquant des animaux et des bactéries, et ils ont modélisé des situations dans lesquelles la superstition est adaptative. J'ai entendu un bruit bizarre. On est bien tous là, hein? On est tous là, on Oui, t'écoute, ouais. parfait. J'ai eu des doutes après avoir évoqué le numéro 13 qui nous a porté malheur et puis en parlant des superstitions. Enfin bref, verdict des recherches. Tant qu'il est plus avantageux de croire en la superstition que de passer à côté d'un véritable lien de causalité, alors on privilégiera quasi toujours les croyances superstitieuses. L'article donne également, entre autres, la parole à Michael Shermer, éditeur du Skeptic Magazine. Je trouve son propos un peu plus clair, même s'il dit fondamentalement la même chose. Donc lui nous propose une explication similaire, même si elle n'est pas formulée dans un langage mathématique. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que nos cerveaux sont des machines à identifier des patterns et des modèles. Et on a cette tendance à connecter les choses les unes avec les autres et on crée du sens à partir de schémas qu'on croit observer dans la nature. Parfois, A est vraiment connecté à B et parfois pas. Et quand A et B ne sont pas connectés, bah on vit simplement avec notre erreur, tout simplement, sans pour autant se retrouver rayé de la surface de la Terre, quoi. Ainsi, la pensée magique fera toujours partie de la condition humaine. Voilà pour l'explication sur le plan de l'évolution. J'étais un petit peu déçu. Ouais, je sais pas, je suis moi aussi à quelque part, quoi. Ouais. Mais quid alors de l'explication psychocognitive? Eh bien là, réjouissez-vous les amis, j'ai trouvé ça drôlement plus intéressant. Donc j'ai eu la chance de trouver un super article de deux chercheuses de l'université d'Helsinki également, à croire que les Finlandais ont un truc, enfin les Finlandaises ont un truc avec les superstitions, comme si le Père Noël habitait dans ce coin-là. Non, c'est les Italiens qui sont très superstitieux. Je ne sais pas si vous avez des amis italiens, mais si vous en avez, vous leur demanderez, vous verrez, ils sont tous très superstitieux. Mais bon, C'est vrai. ouais, c'est drôle, mais bon, vas-y, continue. On va essayer. Donc, ouais, bref, ces deux chercheuses ont initialement publié leur article dans la revue Skeptique en 2008. Pour celles et ceux que ça intéresse, l'article a également été traduit et rediffusé sur pseudoscience.org, le site de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. J'ai trouvé le nom de domaine assez rigolo quand même, étant donné le propriétaire, pseudoscience.org. Mais enfin, c'est vraiment scientifique derrière. Et l'article commence par citer une étude de 2003 qui nous rappelle que les superstitions ne sont pas du tout marginales. En fait, c'est même un phénomène assez important. Près de 40% des habitants des États-Unis, par exemple, croient au diable, aux fantômes ou aux guérisons miraculeuses. Et Le problème pour comprendre le phénomène, c'est que la plupart des auteurs rapprochent le paranormal de quelques lois de la magie ou tentent d'expliquer les croyances en termes d'erreurs, de ratés de la pensée analytique. Mais ici, l'approche des auteurs de cet article est complètement différente. Elles ont choisi un autre angle, car elles avaient besoin d'un modèle conceptuel. En fait, ce qu'elles cherchaient à faire, c'était véritablement à trouver une définition de la superstition, puis un mécanisme qui explique comment ça fonctionne. Donc, elles se sont basées sur des études récentes de psychologie du développement et plus particulièrement sur la notion de savoirs fondamentaux. Alors, petite digression, une petite définition s'impose. Cette notion de savoirs fondamentaux, core knowledge en anglais, elle est drôlement intéressante. En gros, selon les psychologues, on a trois types de savoirs qui structurent la compréhension du monde chez les enfants. On a la physique intuitive, la psychologie intuitive et, avec quelques réserves, la biologie intuitive. Et une partie de ces connaissances est regroupée dans ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux. Il s'agit de cette partie des savoirs que l'enfant apprend sans interaction particulière avec les adultes. C'est vraiment intuitif, c'est formé avant 3 ans. Et c'est là-dessus que sont fondés les développements des futurs mécanismes d'apprentissage scolaire. Alors, si on revient un petit peu sur chacun de ces trois savoirs fondamentaux, donc les savoirs fondamentaux de la physique incluent l'idée que le monde est composé d'objets matériels ayant un volume et une existence indépendante dans l'espace. Donc jusque-là, ça va. Hein. Savoir fondamental physique, c'est les objets matériels, voilà, qui vivent indépendamment les uns des autres. Les connaissances fondamentales en biologie, c'est en gros une espèce de mécanisme de survie de l'espèce qui va nous permettre d'éviter une partie des risques de santé liés aux infections ou aux aliments. Donc les enfants de 4 ans sauraient distinguer certaines substances saines d'autres contaminées sans qu'il y ait forcément de traces visuelles de contamination. Bon, sur ce point, moi, je demande à voir. J'ai des enfants, quand je repense à leur comportement en bas âge, je me rappelle qu'ils mettaient absolument tout et n'importe quoi dans la bouche. Mais enfin bon, c'est pas le sujet ici. Et puis, les connaissances fondamentales en psychologie, donc le troisième groupe, portent sur l'idée que les objets animés ont une volonté, un esprit. Donc vers 18 mois, les enfants comprennent que les animaux, par exemple, peuvent avoir une action sur les objets et se déplacer sans aucune influence extérieure. Ils comprennent également à ce moment-là que les éléments de l'esprit, c'est-à-dire la pensée, les idées, les croyances, sont immatériels et qu'ils ne jouissent pas de propriétés des propriétés de ce à quoi ils font référence. Par exemple, un chien peut mordre, mais l'idée d'un chien ne mord pas. Voilà, c'est vers 18 mois que l'enfant intègre ces concepts. Alors, fin de la digression, l'hypothèse des chercheuses, pour en revenir à nos histoires de superstitions, l'hypothèse des chercheuses, c'est que les superstitions naissent d'erreurs de classification de l'information dans ces trois grandes catégories de savoir. En d'autres termes, les connaissances fondamentales de ces trois types s'interpénètrent et sont irrationnellement appliquées en dehors de leur catégorie. Ainsi, des processus naturels dans une catégorie donnent naissance à des croyances complètement surnaturelles dans une autre. Je vais donner quelques exemples, ça paraîtra plus clair. Donc la confusion des types amène à attribuer aux pensées des propriétés physiques, poussant à croire qu'elles peuvent toucher d'autres objets. Les pensées, donc, c'est la psychokinèse, ou se déplacer, les pensées toujours, c'est la notion de télépathie. Et dans l'autre sens, si un phénomène biologique comme la contagion est appliqué en psychologie, donc dans un autre champ de savoir, ben on en déduira que le pull d'Hitler contient de la méchanceté. Et dans cet univers magique, on trouve aussi l'idée que la volonté est physiquement localisée, par exemple, et les événements et entités physiques et biologiques ne sont plus inanimés, mais jouissent d'une volonté propre, ont des intentions. Vous voyez un peu comment les concepts s'interpénètrent, se mélangent, et puis on en arrive à des trucs irrationnel. Donc pour Val... Ouais, oui. Moi, je suis un petit peu perdu, pour dire franchement. Mais vas-y, continue. Je ne sais pas si tu peux essayer de résumer. J'essaie de synthétiser. En fait, chez l'enfant en bas âge, on a trois savoirs fondamentaux plus ou moins instinctifs qui se développent. On a des savoirs physiques, c'est-à-dire qu'on comprend que les objets sont détachés les uns des autres et puis qu'ils ne font rien. Ils sont là, simplement. On a une compréhension fondamentale de notions biologiques, qui fait qu'on va éviter de s'empoisonner si on peut le faire. Et puis, des connaissances fondamentales de psychologie qui porte sur les idées. En fait, on comprend que les gens, que les animaux ont un esprit, ont une intention, peuvent se déplacer librement. Puis le problème, c'est quand on commence à mélanger les trois, quand on commence à imaginer Mais ça, que des c'est objets justement, physiques. ça, c'est qui mélange? C'est le propre nourrisson, c'est le propre bébé qui mélange ces phénomènes, ou c'est nous qui... C'est tout le monde, Alors, non? c'est nous, exactement. C'est un phénomène qui nous suit tout au long de notre développement. En fait, on a ces trois groupes, ces trois savoirs fondamentaux qui constituent une espèce de repository de départ. Ça constitue la catégorisation primaire, finalement, de tout ce qu'on va processer mentalement. On va essayer de faire entrer les choses dans une de ces catégories. Puis c'est quand on se mélange les pinceaux dans la catégorisation qu'on commence à prêter des intentions à des objets, par exemple, ou à contrario, qu'on imagine que les pensées ont une emprise sur le monde physique. Ouais, ça me paraît un peu compliqué comme explication. Moi, je le vois beaucoup plus simplement, mais bon, c'est vrai que je suis pas spécialiste en la matière, mais... Eh ben moi, ça m'a parlé. Bon, j'avoue que j'ai lu l'article dans tous les sens à plusieurs reprises. Ça m'a pas parlé d'emblée. Mais je trouve que c'est une explication qui semble tenir la route. Alors, c'est peut-être une superstition de ma part, tu vois. Peut-être que je fais des liens. Je cherche du sens là où il n'y en a pas forcément. Non, mais moi, je sais pas, je reviens plutôt un peu à ce que tu expliquais au début, que finalement la superstition, elle émet d'une croyance bien lointaine, et puis voilà, et puis ça se transmet de génération en génération, on ne sait pas très bien pourquoi, mais de là à aller chercher dans les fondements psychologiques des nourrissons, je sais pas, mais Ben bon. si, enfin pour Ouais, moi, ce que j'ai c'est compris. pour expliquer le mécanisme, en fait, parce que tu vois, on n'a pas une seule superstition qui se reproduit de génération en génération, on en fabrique sans arrêt des superstitions, on cherche du sens là où il n'y en a pas nécessairement. Ouais, bon alors ouais. Enfin, c'était pour montrer le terreau, enfin, qu'est-ce qui permet de créer les superstitions, c'est ça? Exactement. Voilà, D'où ça part? Quel est le mécanisme, en fait? d'accord, ouais, d'accord. Ouais, ce serait Ouais, parce le que. moteur initial en fait de la création d'une superstition. Oui, Ouais. c'est parce que par exemple, on C'est n'a pas ça. des superstitions comme croire aux éléphants roses ou des trucs comme ça. Ouais. C'est juste que c'est assez commun parce que ça vient de ce développement-là. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Exactement. Ouais. Absolument. C'est vrai que quand le lien de cause à effet est suffisamment évident, on ne va pas chercher une autre explication. Les éléphants roses, voilà, c'est suffisamment évident. On n'y croit pas. Par contre, quand y a un doute, bah oui, ça arrive. On est encore comme Cro-Magnon qui imaginait que des lions allaient débarquer parce que l'herbe bougeait, quoi. On fait sans arrêt ce genre d'association. Donc, moi, je trouve intéressant d'avoir un framework théorique qui essaye d'expliquer le phénomène. Bon, ceci dit, c'est une petite étude, hein. Pour valider leur hypothèse, les chercheuses ont travaillé avec 239 sujets qu'elles ont répartis en deux groupes, les sceptiques d'un côté, donc le groupe de contrôle, et puis les croyants de l'autre, le groupe testé. Puis pour la séparation des groupes, elles se sont basées sur une autre étude dont les références sont indiquées dans l'article, si jamais, dont le lien sera disponible sur podcastscience.fm. Et puis elles leur ont soumis des métaphores en leur demandant de les classer sur une échelle allant de c'est tout à fait vrai à c'est juste une image. Puis dans la moitié des phrases, on avait justement mélangé ces concepts. On avait des entités matérielles liées à des attributs psychologiques, comme dans les phrases par exemple les vieux meubles connaissent le passé ou en été les plantes veulent fleurir. Et ces phrases permettaient de mesurer la mentalisation de la matière, c'est-à-dire dans quelle mesure on va prêter des intentions à de la matière a priori inerte. Et puis d'autres phrases servaient à mesurer exactement le contraire, c'est-à-dire la réification du mental, ou plutôt la chosification, quoi, pour utiliser un mot qu'on comprend mieux. Donc, comme par exemple, la pensée d'un homme instable se désagrège, comme si la pensée suivait les mêmes attributs que de la matière physique. Et puis, bah, la biologisation du mental était mesurée à travers des phrases comme la méchanceté est contagieuse, par exemple. Et finalement, bah, quelques phrases servaient juste de contrôle, les unes totalement métaphoriques, genre le vent joue de la flûte dans les arbres, et d'autres parfaitement littérales, du style l'eau qui coule est liquide, a priori assez incontestable. Et enfin, lorsque les sujets prenaient les choses littéralement, ils devaient encore indiquer s'ils y voyaient un sens, s'ils arrivaient à formuler une explication qui leur semblait logique, rationnelle. Et la conclusion de l'étude est sans appel et semble valider l'hypothèse de départ. Donc, il s'agirait bien d'une confusion des genres entre ces trois savoirs fondamentaux. Par rapport aux sceptiques, les croyants attribuent plus facilement des traits physiques ou biologiques à des phénomènes mentaux, et puis ils attribuent à l'inverse plus de caractéristiques mentales aux objets, de manière littérale, clairement, et non métaphorique. Donc, plus que les sceptiques, ils ont tendance à fabriquer du sens là où d'autres n'en voient pas, et affirment que des événements aléatoires ou climatiques ont une bonne raison de se produire. Donc voilà, l'article fait encore le lien avec des recherches en anthropologie, et évoque notamment les croyances magiques de nombreuses du peuple Oua en Nouvelle-Guinée, mais on a déjà mal à la tête, on va en rester là pour ce dossier. J'ai déjà d'ailleurs largement dépassé les 13 minutes, je commence à trembler, d'ailleurs un chat noir passe sous une échelle, c'est mauvais signe. En conclusion, moi, je me rallie à l'opinion de la regrettée Madame Pahu, que Mathieu, tu connais forcément, mais Antoine, probablement pas. Ah non, je ne connais pas non plus de Madame Pahu. Tu ne connais pas Madame Pahu, le personnage de François Sylvan. Mais ça va le chalet, je ne suis pas superstitieuse. D'accord. Ça porte malheur. D'accord, je resitue, ouais. D'accord, c'est typiquement suisse alors, c'est ça ? Eh ouais. Okay. Et plein de bon sens, la superstition porte malheur. D'accord, très bien. Écoute, moi, je sais pas, je reste un petit peu sceptique sur ces explications, mais bon, pourquoi pas, quoi. C'est un bon essai de rationaliser le truc, quoi. Ouais, ça m'a plutôt plu, ouais. Je sais pas, moi, est-ce qu'il y a des superstitions modernes? Parce que finalement, avec ce que tu expliquais, ça voudrait dire qu'à tout moment, on crée des superstitions. Moi, j'ai toujours l'impression que les superstitions dont on entend parler habituellement, c'est des vieilles rumeurs ou des vieilles croyances très, très ancestrales, mais est-ce qu'il y a des superstitions modernes ? Je te donne un exemple comme ça au hasard. Je sens que je vais faire bondir certains auditeurs et auditrices, mais tant pis, j'assume, je ferai un dossier là-dessus une fois. Vas-y. L'homéopathie. Ouais. C'est moderne l'homéopathie ? C'est relativement oui, moderne. Moderne. Ça date du 19e siècle. Ouais. En fait, il n'y a encore pas un test scientifique qui soit concluant sur les vertus de l'homéopathie. On arrive toujours exactement au même résultat que le placebo. C'est-à-dire que les médicaments, les traitements homéopathiques agissent en faisant appel à des mécanismes. Oui, mais les gens croient à l'homéopathie. Chacun d'entre nous. Les gens croient à l'homéopathie parce qu'il y a eu au départ une confusion mentale ou parce que voilà, un beau jour il y a quelqu'un qui a dit ah, j'ai essayé l'homéopathie, ça marche super bien, essaye aussi, puis ça fait un peu effet boule de neige et du coup ça s'est généré comme une superstition. Ou s'il y a vraiment eu une confusion mentale au départ, un mélange. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que ce serait un peu tiré par les cheveux que d'essayer d'aller chercher à faire entrer l'homéopathie dans ces trois catégories et d'y voir une confusion des genres. Mais c'est vrai que tu as raison quand même, parce que j'arrive pas à trouver d'intuition, enfin de superstition qui soit vraiment moderne. Ouais. Enfin bon, un sujet intéressant parce que ouais, ça prête à débat un peu tout ça. Écoute, voilà, on verra s'il y a un peu des évolutions sur ce sujet. On y reviendra au cas où. Ouais, des réactions. Et puis, ça me titille, votre réaction et votre question de la fin. Je vais me fixer des devoirs pour la semaine prochaine. Trouver une superstition moderne. Je vais aller chercher des superstitions modernes qui entrent dans ce... Là, c'était un bon point, la superstition moderne. J'en vois vraiment pas. Ouais. Bon, on va y réfléchir cette semaine. Ouais, on va en trouver. Allez. Les auditeurs peuvent aussi nous en dire en commentaire. Voilà, c'est vrai, si vous avez des idées sur une superstition modèle. Des idées, tout ça. T'sais, on va essayer de crowdsourcer la recherche. Mais c'est juste, rappelons qu'il y a toujours un bouquin à gagner. Toute personne qui réagit, qui nous fait un tweet, un retweet, qui nous parle de ses superstitions, évidemment, et prend part au concours. Ouais, donc. Okay. D'accord. Eh ben, on va enchaîner sur ton dossier, Antoine. Ouais, ok, d'accord. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a obsédé alors toute l'humanité depuis la nuit des temps, c'est le vieillissement. Alors, déjà, franchement, je dois avouer, ce dossier, ça m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup de fil à retordre. C'est tellement vaste comme sujet qu'en fait, on pourrait y passer des heures. Mais bon. comme il a fallu choisir, j'ai décidé de traiter le vieillissement biologique, qu'on appelle aussi la sénescence. Donc, je vous l'apprends pas, mais la plupart des espèces vivantes vieillissent. Ouais, il paraît. Il paraît, hein, même toi, Alan. Donc, on peut quand Ça même noter quelques exceptions fascinantes, comme alors la Turritopsis nutricula, qui est une méduse qui, elle, est potentiellement immortelle. Donc, j'en reparlerai un peu plus tard, mais c'est vraiment une créature fascinante. Alors, hormis ces cas, alors fascinants mais rarissimes, tout le monde est à la même enseigne, on vieillit tous. Mais qu'est-ce que le vraiment, qu'est-ce qui se passe réellement quand on vieillit? Alors, même si la sénescence est un processus qui est vraiment complexe, on peut distinguer deux phénomènes principaux. Alors, le premier, qui est environnemental, c'est ce qu'on appelle la surproduction de radicaux libres. J'y reviendrai tout à l'heure. Le second, lui, est génétique, c'est le raccourcissement de portions d'ADN appelées télomères. Alors, voyons plus en détail ces deux aspects du vieillissement. On entend beaucoup parler des radicaux libres, que ce soit à la télé, dans la presse, tout ça. Alors, sans vraiment savoir ce que c'est. En fait, ce sont des molécules qui sont instables et qui sont les déchets, entre autres, de la respiration cellulaire. En temps normal, l'organisme arrive à les éliminer petit à petit. Bon, c'est pas totalement, mais il y arrive plutôt bien. Mais à ça s'ajoutent des facteurs environnementaux comme la prise d'alcool, le stress ou la pollution qui augmentent cette production de radicaux libres. Mais en quoi ces particules sont-elles nocives? Alors, à haute dose, on peut dire qu'elles, littéralement, qu'elles rouillent l'organisme. Elle l'oxyde. Et cette oxydation, elle endommage les cellules à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la membrane, mais plus gravement encore, au niveau du noyau qui renferme l'ADN. Donc, altéré, il peut produire des anomalies comme le cancer. Mais pour bonne nouvelle pour tous, pour lutter contre ces radicaux libres, il y a une solution dont tout le monde a entendu parler, Ah. les agents antioxydants. Et ouais, en fait, on en trouve, ces agents antioxydants, on en trouve dans la fraise, dans l'orange, dans les mangues, dans les noix, dans l'ail, dans le thé et bien d'autres. En fait, une alimentation saine préviendrait vraiment des désastres du temps. Et donc, c'est le fameux régime Okinawa. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Okinawa, c'est une île au large du Japon qui contient la proportion la plus élevée de centenaires au monde. En fait, et c'est dû à un régime qui serait vraiment riche en antioxydants, ça préviendrait vraiment le vieillissement, en fait. C'est pour ça. Et donc, je vous ai aussi parlé donc de la deuxième raison du vieillissement, qui est le raccourcissement des télomères. En fait, on s'est rendu compte dans les années 60 que la division cellulaire n'était pas infinie. Après un nombre de divisions qui peut aller jusqu'à à peu près 50, une cellule perd cette capacité à se diviser et elle meurt tout simplement. C'est ce qu'on appelle la limite de Hayflick, du nom du scientifique qui l'a découverte dans les années 60 en fait. Après, il a fallu attendre 10 ans pour que le Russe Olovnikov explique ce phénomène. En fait, il s'agit d'une régulation par une zone spécifique des chromosomes qu'on appelle les télomères. En fait, ce sont des zones qui ne sont pas codantes, donc qui ne codent pas de gènes qui ne codent pas qui sont pas des gènes qui ne codent pas pour des protéines. Mais en fait, ces zones non codantes se raccourcissent à chaque division. Donc, elles deviennent de plus en plus courtes, de plus en plus courtes, de plus en plus courtes. Et en fait, au final, elles sont trop courtes et elles bloquent ensuite la division cellulaire. Et donc, la cellule qui peut plus se diviser, ben, en fait, elle se suicide, en fait. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Elle meurt proprement et voilà. Mais ce qui est fascinant, là, c'est que les cellules cancéreuses, elles, développent une enzyme qu'on appelle la télomérase et qui les rendent donc virtuellement immortelles. En fait, ces télomérases évitent le raccourcissement des télomères. Donc, franchement, je voudrais finir ce dossier sur ce paradoxe qui m'a vraiment fait titiller. C'est. Depuis le début de l'humanité, on cherche vraiment l'immortalité, soit la pierre philosophale, enfin les élixirs de jouvence, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, les seuls exemples qu'on connaisse dans le corps humain qui peuvent se narguer d'être immortels, ce sont des choses qui nous tuent vraiment, qui nous tue beaucoup plus vite. Et franchement, j'ai trouvé vraiment ça paradoxal et en même temps, c'était vraiment fou que, je sais pas ce que vous en pensez, mais le cancer qui est immortel et qui nous tuera tous, c'est fou. Ouais, bah tiens, c'est pas une superstition moderne, ça. Non, je vois bien. Voilà. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Le truc qui nous tue contient peut-être en lui la recette La de recette de l'immortalité. l'immortalité, ouais. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est déjà un paradoxe de dire que les cellules cancéreuses sont potentiellement immortelles, enfin, puisque le cancer tue et puis qu'elles sont forcément hébergées par, Ouais, voilà, mais voilà, sauf par un que organisme virtuellement, qui. c'est pour ça que j'ai bien dit virtuellement, en fait. Ouais. Mais en fait, en faisant ce dossier, je me suis rendu compte quand même de ma méconnaissance des phénomènes du vieillissement. Je sais pas vous, mais avant ça, je savais vraiment pas comment ça se faisait, quoi. Je me disais, je prenais ça plus pour acquis du fait qu'on vieillissait, voilà, et sans savoir vraiment pourquoi. Ouais, j'avais entendu un peu parler des radicaux libres, moi. Et c'est vrai que cette île au Japon, on entend de plus en plus parler ces derniers temps. C'est peut-être aussi lié au régime de poissons crus, de la nourriture japonaise, peut-être. Je pense qu'il y a Ouais. aussi. Ouais, c'est pour ça, quoi. Faut vraiment boire du thé, c'est vraiment antioxydant. Ouais. Donc, Ça me faisait penser à ce scientifico anglais qui a une longue barbe et Ouais, Aubrey de Ouais, Grey. Aubrey de Grey, Ça, voilà, c'est Alan qui peut nous en parler, là. Aubrey de Grey, personnage fascinant. qui nous prévoit une vie éternelle. Enfin, je sais pas, on sait pas trop si c'est du délire ou s'il est sérieux, mais bon, il a un look déjà qui fait un peu Ouais. sourire. Je sais pas, toi, Alan, tu l'as un peu suivi ce type ou bien? Écoute, pas vraiment. Moi, je suis tombé dessus comme ça au fil de mes lectures. Et puis, ouais, la première fois que j'ai vu une vidéo du bonhomme, j'avais du mal à y croire, quoi. Il est complètement iconoclaste. Il fait tache dans le paysage, quoi. Mais il a l'air vraiment convaincu de son truc. Il est convaincu qu'il va réussir à mettre au point un élixir De jouvence. d'immortalité. Non, Ouais. on sait jamais, hein. On ne sait jamais. En plus, d'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote qui m'était arrivée cet été. C'est à la Comédie du Livre à Montpellier, j'ai rencontré un des frères Bogdanov. Oula, aïe. Ouais. Ah ouais, attendez. Non, c'est pertinent. J'ai rencontré un des frères Bogdanov et en fait, je lui demandais donc j'avais un micro et tout pour enregistrer un audiographe, comme j'appelle ça. Et je lui avais demandé une phrase qui est con. En fait, il m'avait donné rendez-vous dans l'ère de la grande longévité. Comme quoi, hein, peut-être que lui, au Bray de Grey, il partage la même conviction de l'immortalité humaine. Ouais, va savoir. Ouais, on sait Savoir. jamais. Hein. Ils sont peut-être de mèche. Bon, les Voilà. Bogdanov, ça c'est encore un autre sujet. Ouais, On sait pas très bien aussi jusqu'à quel point faut les prendre au sérieux ou pas, quoi. Mais bon. Bon, je crois qu'ils sont pas mal critiqués ces derniers temps, d'ailleurs. Parce qu'ils ont écrit un livre. le visage de Dieu, quelque Voilà, chose comme ça. ouais, Ouais, ben ouais. un livre qui est franchement créationniste, quoi, et qui est Ouais. pas. Ouais, qui s'appuie pas sur des fondements scientifiques, donc il y a de quoi mailler, quoi. Puis ils sont au centre de toutes sortes de controverses, hein. Ouais, Au niveau de leur il fait pas diplôme, bon c'est fréquenter les Bogdanov en ce ça. moment. Ah, Bon, Antoine, il faut je les surveiller tes fréquente pas. fréquentations. Je les ai rencontrés. Hein. Non, à leur décharge, ce sont quand même Enfin, moi, j'ai adoré leur façon de vulgariser la science avec Rayon X, tout ça que je suivais. Temps X à l'époque, ou je sais Ouais, pas si c'est. tant pis. Il y avait Temps X et Rayon X après. Ah, Rayon X après, alors ça, j'ai pas connu, ouais. Ouais, On moi, je... était déjà trop vieux, Ouais. Mathieu. Voilà, vous étiez trop vieux, vous avez trop de sénescence en vous, en fait. Exactement, N'exagère pas trop. Nos pauvres Ouais. télomères sont cuites à tout jamais. Voilà, faudrait voir comment elles sont. Ok. Voilà. Bon, bah voilà pour les deux dossiers. Très bien. On arrive gentiment à la quote du jour, hein, c'est La ça? côte du jour, oui. Alors, la côte du jour. Ouh là là, ouais. Alors, c'est une toute fine celle-là. C'est pour les matheux. Ouh. Alors, faut plutôt l'avoir écrite, je vous dis d'abord, pour mieux la comprendre. Mais je vais quand même la dire. C'est pratique pour un podcast audio. Je vais quand même la dire oralement. Non, non, non, non, mais je vais quand même la dire oralement. Mais ça peut laisser une petite confusion oralement, qu'en écrit, on l'a pas. Mais bon, alors, Au point où on en est, tu peux y aller. ça va comme ça. Il existe 10 types de personnes. Ah. Celles qui savent le ternaire, celles que non et celles qui le confondent avec le binaire. Elle est bien geek, celle-là. Voyez, voyez dans quelle direction ça va, non? Ouais. Je ne la connaissais pas dans cette version-là, en Ouais, fait. j'en connaissais une autre qui était un peu plus simple, mais celle-là, elle était vraiment pas mal Mais aussi. t'es sûr qu'on dit 10 en Bah, fait? je sais pas, justement, c'est pour ça que j'ai dit Ah ouais. faut mieux l'avoir écrite, parce que si je dis il existe un zéro type, ouais, ça fait un peu bizarre d'entendre ça comme ça. Mais c'est vrai que dans le ternaire, dans la base 3, on va pas dire 10, on va dire un zéro. Ouais. Pour représenter le chiffre 3, en fait. Yep. D'accord. Le chiffre 3. Attends, attends, Bah, attends. Ah oui. oui. 0, 0. Attends, 0, c'est le premier chiffre. 0, 1, le deuxième. 1, 0, c'est le troisième, c'est ça? Ouais. Non, le Et 1, 1, c'est c'est le 0, quatrième. 1, 0. 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Ah oui, bien sûr, mais oui, Oui. ternaire, je suis idiot, ouais. Dernière, Oui. ouais. Ternaire, Donc, on va jusqu'à 2. voilà, on va jusqu'à 2, puis après Donc pour on commence. ceux qui comprennent pas, on mettra ça par écrit, ce sera beaucoup plus limpide, je pense. Ouais, puis il y a un petit lien sur la base ternaire de Wikipédia pour en apprendre un peu plus, ceux qui se perdent. Ouais. En La plus, c'est un base sujet ternaire de fascinant. C'est bon. Wikipédia en ternaire. Mais c'est vrai. Donc voilà. Ok, bon, bah, on arrive au bout de ce podcast. Encore une petite chose, la semaine prochaine, ça va être un podcast très spécial parce qu'on a un invité surprise, on va dire, ou bien est-ce qu'on dit déjà non, on va laisser un peu de surprise, non? Ouais, mais on peut peut-être dire Oui. de quoi il va nous parler quand même. De quoi il va nous parler? Bon, en fait, on va Un avoir petit peu. un... Alors, c'est encore à confirmer, mais c'est très probable qu'on l'ait la semaine prochaine. Donc, un physicien qui a comme domaine d'expertise la physique des plasmas. Alors, bah voilà, on va discuter avec lui et voilà, il va nous apprendre plein de choses sur les plasmas. Donc... Ouais. Donc, ouais, ça Ouais, va puis être c'est super vraiment sympa. cool. Il y a des tas de choses à apprendre sur les plasmas, en fait. Moi, Ouais. depuis que tu as lancé l'invitation, puis qu'on en a un peu parlé entre nous, j'ai eu l'occasion de mesurer mon ignorance sur le sujet. Enfin, je Ah, t'es pas mélangeais le juste seul. tout, quoi. Plasma sanguin, TV au plasma, Ouais. fusée au plasma. Et puis, en fait, Bah justement, il va nous éclaircir tout ça. Ah, il va Et je démêler tout ça, crois ouais. qu'il travaille sur un projet très intéressant qui risque d'être une grande révolution à l'échelle humanitaire et planétaire. Donc voilà, de grandes perspectives avec ce plasma, il nous expliquera tout ça. Ouais, donc j'espère qu'on l'aura la semaine prochaine. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, bah on croise les doigts, on évite de casser les miroirs, on réunit nos Nos trèfles à quatre feuilles. pattes de lapin, tout ça. Donc On y voilà, croit. donc bah, préparez-vous bien, préparez vos questions, vous deux, pour la semaine prochaine, Oui, chef. Ouais. et puis voilà, et puis on se retrouve dans une semaine, d'accord? Excellent. Excellent, ouais. On À se dans une réjouit. semaine. Allez, bon week-end, ciao. À tout bientôt, ciao, bonne semaine. Ciao, ciao.